Deuxième livre des Rois, chapitre 8. Or Élisée avait parlé à la femme au fils de laquelle il avait rendu la vie, en disant, « Lève-toi, et t'en vas, toi et ta famille, et fais ton séjour où tu pourras, car l'Éternel a appelé la famine, et même elle vient sur le pays pour y demeurer 7 ans. » Cette femme-là donc s'étant levée, avait fait selon la parole de l'homme de Dieu, et s'en était allée, elle et sa famille, et avait demeuré 7 ans au pays des Philistins. Mais il arriva qu'au bout des 7 ans, cette femme-là s'en retourna du pays des Philistins, puis elle s'en alla pour faire requête au roi touchant sa maison, et ses champs. Alors le roi parlait à Gehazi serviteur de l'homme de Dieu, en disant, « Je te prie récite-moi toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et il arriva que lorsqu'il récitait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, voici, la femme, au fils de laquelle il avait rendu la vie, vint faire requête au roi touchant sa maison, et ses champs. Et Gehazi dit, « Au roi mon seigneur, c'est ici la femme, et c'est ici son fils, à qui Élisée a rendu la vie. » Alors le roi interrogea la femme, et elle lui raconta ce qui s'était passé. Et le roi lui donna un eunuque, auquel il dit, « Fais-lui avoir tout ce qui lui appartenait, même tous les revenus, de ses champs depuis le temps qu'elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Or Élisée alla à Damas, et alors Ben-Hadad roi de Syrie était malade, et on lui rapporta, et on lui dit, « L'homme de Dieu est venu ici. » Et le roi dit à Hazaël, « Prends quelques présents avec toi, et t'en vas au devant de l'homme de Dieu, et par son moyen l'enquiète-toi de l'Éternel, en disant, « Relèverai-je de cette maladie ?» Et Hazaël s'en alla au devant de lui, ayant pris avec soi un présent, savoir, 40 chameaux chargés de tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, et il vint, et se présenta devant lui, et dit, « Ton fils Ben-Hadad roi de Syrie m'a envoyé vers toi, pour te dire, relèverai-je de cette maladie ?» Et Élisée lui répondit, « Va, et dis-lui, certainement tu en pourrais relever, toutefois l'Éternel m'a montré que certainement il mourra. » Et l'homme de Dieu arrêta sa vue sur Hazaël, et se retint longtemps, puis l'homme de Dieu pleura. Et Hazaël dit, « Pourquoi pleure mon Seigneur ?» Et il répondit, « Parce que je sais combien tu feras de mal aux enfants d'Israël, tu mettras le feu à leur ville forte, et tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, et tu écraseras leurs petits-enfants, et tu fendras leurs femmes enceintes. » Et Hazaël dit, « Mais qui est ton serviteur, qui n'est qu'un chien, pour faire de si grandes choses ?» Et Élisée répondit, « L'Éternel m'a montré que tu seras roi de Syrie. » Ainsi Hazaël se retira d'avec Élisée, et revint vers son maître, qui lui demanda, « Que t'a dit Élisée ?» Et il répondit, « Il m'a dit, que certainement tu peux relever de cette maladie. » Mais il arriva que le lendemain Hazaël prit un drap épais, et l'ayant plongé dans l'eau, il l'étendit sur le visage de Ben-Hadad, dont il mourut, et Hazaël régna en sa place. Vers la 5e année de Joram fils d'Achab roi d'Israël, Josaphat étant roi de Juda, Joram fils de Josaphat roi de Juda, commença à régner sur Juda. Il était âgé de 32 ans quand il commença à régner, et il régna 8 ans à Jérusalem. Et il suivit le train des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Achab, car la fille d'Achab était sa femme, de sorte qu'il fit ce qui est déplaisant à l'Éternel. Toutefois l'Éternel ne voulut point détruire Juda, pour l'amour de David son serviteur, selon ce qu'il lui avait dit, qu'il lui donnerait une lampe, à lui et à ses fils, à toujours. De son temps ceux d'Édom se révoltèrent de l'obéissance de Juda, et établirent un roi sur eux. C'est pourquoi Joram passa à Tsaïr avec tous ses chariots, et se leva de nuit, et frappa les Iduméens qui étaient autour de lui, et les gouverneurs des chariots, mais le peuple s'enfuit dans ses tentes. Néanmoins les Iduméens se révoltèrent de l'obéissance de Juda, et cela a duré jusqu'à aujourd'hui. En ce même temps la Libna aussi se révolta. Le reste des faits de Joram, tout ce, dis-je, qu'il a fait, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda? Et Joram s'endormit avec ses pères, et fut enseveli avec eux dans la cité de David, et Achazia son fils régna en sa place. La 12e année de Joram fils d'Achab roi d'Israël, Achazia fils de Joram roi de Juda, commença à régner. Achazia était âgé de 22 ans quand il commença à régner, et il régna 1 an à Jérusalem, sa mère avait nom Athalia, et était fille d'Onri roi d'Israël. Il suivit le train de la maison d'Achab, et fit ce qui déplaît à l'Éternel, comme avait fait la maison d'Achab, car il était gendre de la maison d'Achab. Or il s'en alla avec Joram fils d'Achab à la guerre contre Hazael roi de Syrie, et Ramoth de Galaa, et les Syriens frappèrent Joram. Et le roi Joram s'en retourna pour se faire panser à Jizréel des plaies, que les Syriens lui avaient faites à Rama, quand il combattit contre Hazael roi de Syrie, et Achazia fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram fils d'Achab à Jizréel, parce qu'il était malade.